Bonjour à vous auditeurs qui êtes invariablement ici pour tenter de sauver votre pauvre existence. Je suis Félix, la voix artificielle de Lyon. Cette semaine, les gars ont travaillé comme des Pentium 4 pour le show, c'est-à-dire en gaspillant beaucoup d'énergie pour très peu de résultats. Alors, au podcast cette semaine. Des nouvelles du monde Apple, en l'an 0 après SJ. Une entrevue avec un humain que je laisserai peut-être vivre car j'apprécie le ton de sa voix dans des publicités de limonade. Patrick Brou est en entrevue, notre résident spécialiste critique d'application d'humoriste voleur de job de développeur, Stéphane Fallu nous livre ses impressions sur Attrape Moment. Et finalement, c'est le retour de ce fou furieux Imri Lod qui vient nous parler de Gelbrea. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Mac Québec. On est en onde parce que j'ai accroché un bouton en essayant de faire mon setup de caméra. On est encore à régler, comme d'habitude, des problèmes techniques pour vous diffuser. On essaye quelque chose aujourd'hui, on a enregistré une entrevue qu'on veut vous diffuser et le show est commencé, on ne sait toujours pas comment. Je suis avec mes co-animateurs pour cette semaine. Bernard Ouellette, alias Cybernard. Ça va bien, Bernard? Ça va bien, toi? Oui, merci. On est une quinzaine de personnes déjà à l'écoute. Et on a notre ami Jean-François qui est là. Ça va bien, Jean-François? Oui, ça va bien, toi? Oui, on se remet tranquillement ou on s'est déjà remis de l'après les fêtes? Là, c'est passé, ça? C'est passé, ça fait longtemps. Oui, le décalage horaire, oh, oui. Ça. Excellent. Oui. Parfait. Vous avez eu passé des bonnes semaines, messieurs? Oui. Oui, oui, oui. Bien, retour au travail est un petit peu plus ardu. Hein. C'est quand tu as fait deux semaines que tu es en vacances. C'est toujours plus dur, mais bon. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs une journée où on aurait voulu rester en vacances. C'est assez dégueulasse. Ma nature est dans ses périodes. Hein. C'est sa semaine. Voilà. Fallait s'y attendre. Ça a l'air qu'il va faire 3 demain. Avec de la pluie puis tout, là, fait que toute la neige va pogner en pain. C'était le moment météo-média de... Oui, côtelette provencher. Voilà. On va retrouver d'ailleurs Vincent un petit peu plus tard les amateurs de Mac Bonsoir, où on a pas mal de questions ce soir. D'ailleurs, les gens, peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas. Hein, peut-être que le monde, dès qu'on a fini le podcast Mac Québec, ils déconnectent puis ils ne savent pas le merveilleux monde de les amateurs de Mac Bonsoir qu'il y a après. Donc, on fait 2 podcasts. On est malade de même. Et on enregistre donc le podcast Mac Québec dans un premier temps à chaque 2 semaines parce que Bernard, c'est dans son contrat. Il veut une semaine de break entre 2 podcasts. Attends, à partir du mois d'avril, ça va être 6 mois de break. Tu t'en vas sur les îles Moukmouk? On s'en va en Europe. Oh, excellent. Oh, puis on sait que les bandes passantes là-bas, là, c'est pas fort. Fait que... Je ne savais pas ça, moi. Non, c'est ça. Hein? Est-ce que tu as vu l'offre de Free pour les mobiles? Ouais, c'est malade. Je pense qu'ils ont voulu faire une offre qui correspondait à leur nom, c'est-à-dire gratuite ou proche. Là. 20 euros. Pour 20 euros sans engagement pour ceux qui sont pas clients Free, parce que Free offre aussi la télé et tout ça. Mm-hmm. Donc, 16 euros si tu es client. Wow. Et 19 euros si tu n'es pas client. Aucun engagement. Et là, on parle de illimité. On parle de villes, certains pays plutôt, qui sont comme dans une zone gratuite et le Canada en fait partie. Donc, quand tu appelles un mobile ou un fixe ici, au Canada, à partir de la France, avec ton appareil, ça ne coûte rien. C'est malade. C'est malade. Puis, tu as droit à 3 gigs en mode, comment ils appellent ça? Ad-hoc. C'est-à-dire que quand tu atteins le 3 gigs, ils vont réduire ton débit. Ils réduisent ta vitesse, oui. Ils réduisent ta vitesse. Mais bon, 3 gigs, c'est pas tout le monde qui atteint ça. Là, il y a 90% du monde qui ont un iPhone au Canada n'atteignent pas ça. Exact. 3 gigs, mais là, avec iTunes Match, je peux vous dire que vous l'atteignez assez rapidement, merci. C'est vrai que peut-être, ça consomme peut-être beaucoup. Hein? Oui, ouais, 4,5 gigs que j'ai fait le mois passé depuis que je l'ai. C'est du download. Vers la fin du mois, c'est comme, tu sais, vers la fin du mois, avant, on sur une connexion résidentielle, tu arrêtait de télécharger ou quelque chose comme ça. Là, dans ton cas, à toi, tu regardes ta consommation sur ton téléphone puis tu fais « Ah non, je vais être obligé de le connecter avec le dock connector sur mon ordinateur pour mettre les chansons dedans. » C'est drôle quand même. Fait que c'est ça. C'est super. Ça prend beaucoup de bande passante. Oui, effectivement. Ben, y a aussi, c'est une vieille news, mais il y a Siri aussi qui disait là, cette semaine, ça s'est énervé, je pense, ou la semaine passée, là, comme quoi Siri faisait que ça doublait le iPhone 4S comme consommait deux fois plus de bande passante que les autres appareils, puis déjà le 4 en consommait deux fois plus que le 3. C'est juste que l'appareil est plus agréable à utiliser, puis tu peux faire plus de choses avec. Fait que c'est normal que tu consommes plus, tu l'utilises plus parce qu'il va plus vite, puis tu peux donc faire plus de choses. Fait que c'était comme une non-nouvelle, ça, cette semaine. Oui, c'est des entrelacés. Ouais, tout le monde qui se spinne ça, là. C'est très drôle. Sinon, regardons un petit peu dans le... Ben, moi, j'ai trouvé une nouvelle assez intéressante et qui a trait au Canada. C'est une bonne nouvelle au niveau du paiement par carte de crédit via iPhone, parce que évidemment, on n'est pas un podcast de carte de crédit, là, ça aurait aucun lien, donc faut qu'il y aille Apple quelque part. Donc, c'est la compagnie Intuit qui lancerait dans les premiers mois de 2012, et ça a été annoncé, si je ne me trompe pas, au CES, un service de paiement par lecture de carte de crédit sur iPhone. Donc, on connaît le principe à cause de Square aux États-Unis, qui est très, très populaire, une compagnie qui appartient ou en fait dans lequel Kevin Rose a des parts. OK. Et Square donnait le petit lecteur de carte. Et sur chaque transaction que tu fais, eux autres, ils prenaient 2,75% d'intérêt, c'est tout. Ce qui est très intéressant parce que, si je ne me trompe pas, en magasin, ça peut aller jusqu'à 4% d'intérêt sur une carte de crédit, là, tout dépendant le fournisseur de carte. Donc, c'est vraiment un excellent deal. Et en discutant un peu avec des gens sur Twitter, je me suis fait dire, en fait, qu'au Canada, le lecteur, si on s'inscrit au service, je pense que le service est gratuit, mais tu t'inscris au service gratuit, donne un lecteur, puis là, tu vas les payer. Toi, ici, ça va être 2,7% d'intérêt par transaction. Fait que, comparaison... J'ai trouvé cette semaine, il y a une compagnie canadienne qui fait déjà un lecteur-writer pour du NFC, RFID. Puis ça se glisse, ça ressemble à le juice, espèce de batterie qu'on rajoute à notre iPhone. Ben, c'est probablement celui que les gens de Apple Store. Je vais mettre l'adresse ici là, dans le chat. Là. Okay. Ça s'appelle eCart. Okay. Puis c'est une compagnie canadienne parce que c'est eCart.ca. Et là, tu peux le voir là, dans les images. Là, il y en a deux. Je me demande si ça pourrait pas faire la même chose. C'est pas celui que Apple utilise déjà dans les Apple Store avec les iPod Touch qui plante tout le temps par ailleurs. Là. Je ne sais pas. Le terme qu'il utilise, là, c'est un terme générique, puis c'est le mien n'a pas fait sa synchronisation. Ça veut dire qu'il y a un problème avec son iPod Touch. Là. Si vous passez un peu de temps dans un Apple Store, vous allez l'entendre souvent. Donc, c'est pas mal intéressant ça à iCart. Là. C'est des bonnes petites solutions qui sortent pour. Tu sais, il y a un paquet d'endroits où est-ce qu'on va et ils ne prennent même pas la carte de guichet ou la carte de crédit, tu sais. Puis, en 2012, là, tu sais, j'en tiens plus d'argent sonnant et trébuchant dans mes poches. Ouais, mais est-ce que tu as vu le reportage de la facture cette semaine? Non. Sur la façon qu'on clonait des cartes RFID dans les poches des gens. C'est vrai. Ouais, c'est facile, là. Mais écoute, la technologie, c'est une radiofréquence, hein, fait que... T'as un lecteur, le c'est pas encrypté, fait qu'en voyant, on ramasse les... Ben, c'est encrypté, mais ils vont réussir à décrypter ça facilement par la suite. Mais ce qu'ils nous montraient dans le reportage, c'était pas encrypté, ils donnaient tout de suite, ils disaient tout de suite aux gens, c'est ça ton numéro de carte avec ton expiration. Les gens étaient là, ben voyons comment il a fait. C'est rassurant, quelque chose de rare. C'est les cartes de crédit avec la puce PayPass. Là. C'est PayPass ou PayWave pour. Ouais, c'est ça. Il y en a d'autres. C'est ça. Mais ça a l'air que c'est super facile. Là. Puis tu peux trouver ça sur eBay. Puis le petit lecteur. Là, puis, on se part une chaîne de vêtements où est-ce qu'on double les poches avec de l'aluminium. On perd plein d'argent. Ben, ils vendent déjà des RFID blockers. Ça existe déjà aux États-Unis depuis longtemps. Donc, pour les passeports, pour les cartes de crédit, etc. Les endroits qui vendent des accessoires pour voyage vendent déjà des petites pochettes anti-RFID, dans le fond, pour bloquer les ongles, pour glisser ses cartes de crédit dedans. Donc, okay. Une petite pochette en papier avec, j'imagine, du papier d'aluminium à l'intérieur. Là. On va être obligé éventuellement de se traîner une espèce de petite barouette Flyer Radio avec le coffre-fort anti-radiation, anti-ci, anti-ça pour mettre nos cartes de crédit puis nos enfants en arrière. C'est comme le film avec Mel Gibson, là. De faire les extraterrestres, que ses enfants se mettent le chapeau en aluminium, là. OK. Mel Gibson. Ouais, c'est un film de Night Shyamalan, fait que c'est normal que tu ne l'aies pas vu. OK. C'est ça. Voyons, c'est quoi le nom? Quelqu'un? Non, c'est pas ça. C'est pas Conspiracy. C'est pas celui avec Julia Roberts. C'est l'affaire Lee Sing, là, dans les champs, là. Ça s'appelle The Sign, je pense. The Sign, oui, c'est ça, exactement. Ouais. Voilà. C'était Mel Gibson, c'était pas Bruce Willis? Non, ça c'est Sixth Sense. C'est le seul premier bon film qu'il a fait, ou à peu près. Ouais. Okay. Mais je pense qu'on n'a pas le droit de mentionner Mel Gibson sur le podcast. Je pense que c'est un mot tabou. Mel Gibson est un peu weird dernièrement. Je sais pas si on le voit, mais on s'en est rendu compte, mais il apparaît plus nulle part depuis qu'il a commencé à péter sa coche, puis qu'on l'a mis sur YouTube. C'est à peu près son dernier vidéo. Là. Il a eu un super bon rating. Tout le monde l'a vu, mais depuis ce temps-là, il fait plus grand-chose. Oui. Donc. On va continuer avec les nouvelles parce qu'il faut passer assez vite. On a beaucoup de choses ce soir. Voilà. Prochaine nouvelle que j'ai mise, c'est surprenant, c'est que les navigateurs web sont plus rapides sur Windows que sur macOS. J'ai trouvé ça cette semaine, ils ont pris tous les navigateurs inimaginables sur cette terre, Safari, Firefox, Opera, Chrome, puis Internet Explorer. Font des tests, c'est bizarre, souvent. Il est tout le temps en dernier, lui. Je sais pas pourquoi, là, mais il met tout le temps en dernier de la liste. Okay. Fait que, ils ont ouvert 40 onglets. OK. Sur chaque navigateur. Puis, ils ont calculé combien de megs de mémoire RAM prenait chaque navigateur avec les 40 onglets ouverts à des pages différentes. Et surprise générale, ils prenaient moins de RAM sur Windows que sur macOS. Oh, ça prenait moins de ressources sur Windows. Oui, c'est ça. Le pire, c'est Chrome. Avec 40 onglets, Chrome monte jusqu'à 2 gigs de mémoire. Ah oui, OK. À comparer de 995, presque 1 gig sur Windows. Fait que c'est énorme, là. Ça expliquerait peut-être un petit peu pourquoi... comment je pourrais dire? Safari, depuis Lyon, a maintenant deux processus. Le WebKit sépare en deux processus, c'est-à-dire ta fenêtre. Et le deuxième processus, si je ne me trompe pas, je vais juste le chercher vite, là. Activity Monitor. Ben, je vais vous dire, comme Chrome, moi, ce que j'utilise Chrome, il y a Chrome, le navigateur en tant que tel. Et après, il y a le Google Chrome Renderer et le Worker. Mais okay. C'est comme, c'est malade, là. On voit, j'ai comme 6 onglets ouverts, là, puis je calcule vite, là. Je dois être rendu à peu près 600. Oui. 600 MB de RAM. C'est Safari. Et à côté, l'autre processus, c'est Safari Web Content. Donc, tu as deux processus. Tu vois, en ce moment, moi, mon Safari prend 224 MB de vraie mémoire. Puis le Safari Web Content, à cause de tout le processus Flash qu'il y a dedans, c'est 703 MB. Imagine. Donc, je suis content d'avoir le 8 GB dans ma chaîne. Safari sur macOS, il fait 1,63 GB. À comparer sur Windows, il fait 724. Ah! Bon. 40 onglets d'ouvert. Ça aurait tendance à montrer pourquoi... en tout cas, tu sais, Lyon, on a eu des réserves. Là, on en a parlé à plusieurs reprises. Comment Lyon était pas... les critiques sont pas dithyrambiques, disons. Puis ça vaut le 29,99 qu'on disait. Qu'on a payé pour. Mm-hmm. Mais effectivement... Mais le pire avec ça, c'est... Ils ont fait l'essai de fermer une tabulation dans chaque navigateur. Ouais. On va revenir encore avec Chrome. En 2 minutes, ils ont enlevé un tab. Il est tombé à 300 MB. Dans Chrome, ils ont enlevé une tabulation, il est tombé sur à 300 mètres, sur 40. Sur 40 tabulations, il est tombé à 39, il est tombé à 304 MB de RAM d'utiliser. Fait que c'est vraiment au 40e qu'il y a de la misère. Ouais, bon. Ouais, parce que après ça monte, là, c'est les autres Firefox, c'est rendu à 717, Safari 666, puis Opera, dans la vie, là, il y en a des utilisateurs, je pense entre autres à Frank the Tank, là, qui, tu sais, il y a à peu près 8 pages à 40 onglets ouverts, puis tout ça, là, qui en utilise autant que ça. Mais moi, je suis tombé sur un article à un moment donné qui disait, à partir d'une douzaine d'onglets, ton cerveau est plus capable de faire le suivi de toute cette information-là. Non, c'est sûr. T'es obligé de faire clean table, tu sais. Tu peux probablement, comme, tu sais, les années de méditation, d'entraînement avec les moines Shaolin ont dû faire pour le cerveau de Frank the Tank, tu peux arriver à ça, tu sais, mais pour l'être humain normal, c'est peut-être à 12 onglets, là, c'est correct. N'essayez pas ce qu'il fait à la maison, c'est un professionnel. C'est un. Ouais, puis en plus, il s'est présenté comme président du CRTC aujourd'hui, il a envoyé son CV. Il l'a-tu envoyé pour vrai? C'est une de mes suggestions. C'est pas vrai, là. Ah. C'est une. Mais non, c'est entre parenthèses, là. Mais, ouais, moi, je vais le rappeler, on va essayer de faire. Moi, je trouve ça drôle, là, puis j'ai peut-être un petit peu de temps, peut-être moins lui, là, mais je trouverais ça très drôle de présenter la candidature, d'essayer de prouver d'abord qu'il y a l'équivalent, lui qui parle tout le temps de son cinquième secondaire. Il demande un truc d'université ou quelque chose d'équivalent à la compréhension des phénomènes légaux dans lesquels le CRTC est impliqué, là, tu sais. Donc, mais en plus que là, aujourd'hui, ça a été l'affaire du CRTC. Il va-tu parler français puis anglais ou il va juste être unilingue? Là, c'est parce que... De toute façon, le vérificateur général, dans tout poste au niveau gouvernemental, il faut que tu sois bilingue au Canada. Ouais, ouais. Le vérificateur général, qu'il ne l'est pas. Fait que même si tu as des conditions dans les offres d'emploi, ça ne veut pas dire qu'il y a une condition qui est là, qu'elle va être nécessairement... prise en compte là, à 100%. Là. Ils vont passer par-dessus par rapport à d'autres facteurs. Là. Je veux juste faire une parenthèse, puis c'est pas pantoute pour étirer le show, parce que comme je sais pas comment feeder l'entrevue, on la passera peut-être pas, je vais regarder ça. Mais il y a la on peut la passer audio. Ah oui, on peut la passer audio, effectivement. Aux États-Unis, il y a la SOPA en ce moment, là, qui est une loi terrible. Et le gars qui est en arrière de ça, qui est évidemment du Texas, si je ne me trompe pas, il s'appelle... en tout cas, tu le lis vite, ça sonne Lamer. Whatever. Yeah. Lamer Smith. Lamar Smith. Mm-hmm. Et ce gars-là a un site web, évidemment, parce que, bon, c'est un politicien. Et il y a quelqu'un qui a fait des fouilles sur le site web et qui a trouvé une image dont... Clairement, le gars a fait un suivi, a trouvé le photographe, et clairement, Lamar Smith n'a pas les droits sur cette image-là. Donc, selon la loi qui est en train de pousser, une fois que cette loi-là serait mise en vigueur, et qui est une loi qui va complètement détruire Internet. Si ça passe, là, c'est fini Internet, ça devient aussi drabe que de la TV termes de diversification de contenu. Là. Donc, si ça passe, le gars qui a pris la photo peut faire une demande au gouvernement, dire « Hey, sur ce site-là, il y a clairement une photo qui m'appartient. » Donc, le gars peut être passible de prison, tout dépendant comment le jugement est fait, et le site est complètement fermé. Le gouvernement a les outils, va se munir des outils pour faire ça, tout ça. Donc, c'est vraiment dangereux. Donc, les auditeurs qui n'ont jamais entendu parler de SOPA, S-O-P-A, je veux attirer votre attention là-dessus parce que c'est... Allez lire ça. Allez, faites un suivi là-dessus. Écrivez à des gens, écrivez... C'est sûr qu'on n'est pas aux États-Unis, mais si nous, on fait une pression politique, si tout le monde dit aux États-Unis, « Hey, vous êtes en train de vous planter, vos vieux chinooks qui ne comprennent rien, ils vont scraper le futur des communications de ce qui est construit. » Pour la simple et bonne raison qu'ils veulent donner un contrôle à l'industrie de l'entertainment. On sait que c'est les gens les plus justes au monde. Ah, donc, c'est sûr. C'est vraiment du gros, gros, gros caca. Puis il y a un paquet de mais de même il y a Twitter aussi qui ont dit cette semaine qu'ils n'étaient pas d'accord. Facebook aussi, je pense. Ben, Google. GoDaddy, on parle un petit peu là, dans le chat. Là, Google, Yahoo, Amazon. Écoute, là, quand les, les plus gros sites web. Les plus gros de l'Internet qui disent si ça passe, on ferme nos sites. Là, ça va être quoi, Internet? Là? Ça va être plus, dans le temps de Netscape. Ouais. Wow. Ouais. Fait que ça vaut vraiment la peine que vous alliez lire ça. Comme Alexis disait, OK, c'est bon, on n'est pas aux États-Unis, mais il faut en parler. Là. C'est comme ça nous tient quand même. Ça va avoir un impact sur nous. Ah ouais, c'est sûr. Là. C'est sûr, sûr, sûr, sûr, sûr. Là. Voilà. Fait que c'est très dangereux. Effectivement. Ben, les Américains sont tous dangereux. Fait que, ils veulent tout avoir. Fait bon, qu'ils veulent tout avoir le contrôle. Une généralité, là. Ben oui. Bon, on est à 9h21, on est encore à peu près dans les temps. Oui. Et bon, c'est sûr qu'on n'a pas, malheureusement, on a été serré par le temps. Je suis incapable de vous fournir la vidéo, mais on va écouter l'audio et on va le faire en deux parties, en fait. On a une entrevue qui est très intéressante. Les gens qui l'ont écoutée m'ont donné des très bons commentaires. On vous fait écouter ça, mais on va avoir la première partie dans le podcast Mac Québec. Puis pour vous obliger à rester pour le deuxième podcast, on va mettre comme la deuxième partie pendant les amateurs de Mac Bonsoir. Hein? C'est-tu pas une crosse de base? J'ai songé ça, là. C'est tellement une crosse de base. Puis ça va nous donner en plus un petit peu plus de temps à passer avec notre ami I'm Reload un petit peu plus tard. Donc, je vous laisse écouter ça. Je démarre ça. Faites-moi des grands signes rapidement si jamais vous ne l'entendez pas, mais d'après moi, ça devrait passer. Bonjour Patrick Groux, bienvenue au podcast Mac Québec. Merci Alexis, content d'être là. Ben oui, ça fait plaisir. On t'a invité, pas pour tes prochains shows ou quoi que ce soit, mais quelque chose qui est un petit peu spécial. Tu t'as eu une idée pour un produit technologique. Qui est assez novateur et t'es venu nous en parler. On t'a invité pour venir nous parler de ça. On dit tout le temps que les humoristes volent les jobs des acteurs. Là, toi, t'as dit non, moi, je vais faire autrement. Je vais voler la job d'un programmeur en quelque part. Donc. Ouais, je sais pas si j'ai volé la job, mais je trouvais ça vraiment intéressant. Je trouve que c'est un milieu auquel je m'intéressais pas tant que ça avant. J'ai toujours aimé la technologie puis tout ça, mais c'est juste depuis l'avenue du iPhone puis du iPad. Moi, ça, c'est vraiment venu me chercher, ces deux instruments-là. Puis on dirait que depuis ce temps-là, je m'intéresse beaucoup plus à ça qu'avant, finalement. OK. C'était une de mes questions. Je voulais te demander, est-ce que tu es plus nerd, geek, parce que cette semaine, il y a eu une petite infographie qui est passée, ou tu es plus, je sais pas moi, job de bras, mettons? Moi, je pense que je suis plus job de bras, mais j'ai énormément de respect pour les geeks, les nerds. Je trouve ça passionnant. Je veux dire, tu sais, mon dernier disque, d'ailleurs, j'ai fait de la musique aussi. Puis le dernier album, je l'ai fait avec un réalisateur qui s'appelle John Nathaniel. Okay. Et j'ai toujours su que en musique, dans le temps, t'avais la vieille gang qui s'enregistrait sur bobine, des réalisateurs qui trippaient sur le son, tout ça, puis qui connaissaient beaucoup la musique. Et là, en rencontrant John, je me suis comme rendu compte qu'il y a une toute nouvelle génération de geeks aussi. À cause de la technologie, justement, maintenant, avec toutes les préamps, les instruments, puis tout ça, puis comment on peut jouer avec le son, la compression, il y a tellement de sortes de compresseurs, toutes sortes d'affaires, qu'il y a comme une nouvelle génération de jeunes geeks, réalisateurs musicaux qui sont absolument extraordinaires, dont John. Moi, j'ai beaucoup appris de lui. Puis c'est drôle, hein? Je pense qu'en travaillant l'album avec lui, ça m'a comme ouvert là-dessus, sur la technologie, en voyant comment est-ce que on innove vite. Puis comment est-ce qu'on peut faire les affaires différemment aussi, puis comment on peut se servir de la technologie comme quelque chose de bien. Tu sais, on dirait qu'avant, je voyais ça comme pas négatif, mais ça m'intéressait moins que maintenant. Je voyais moins le bon côté qu'aujourd'hui. OK. En fait, ben ton application dont on n'a pas encore parlé, c'est un produit en fait que t'en es le concepteur, t'en as parlé un peu. C'est l'application Attrape Moment qui est disponible en ce moment sur le App Store. On te connaît comme quelqu'un de Je sais pas, je vois aller un peu ta carrière. Très, très, très, très humain. Tu es très, très contact avec, avec l'être humain. Assez family man. Tu es impliqué dans des causes, des shows bénéfices, entraide, grand brûlé, ouais. Animation sans entraide, tout ça. Puis, moi, bon, au niveau technique, l'application, on en parlera un petit peu plus tard, mais je trouvais qu'elle elle avait cette espèce d'âme-là, l'application de. Tu sais, le but, c'est d'aller chercher des moments. Explique-nous un peu, en fait, dans ta tête, à toi, elle ben, servait à quoi? Puis je trouve ça le fun que tu me parles d'âme parce que moi, je l'ai toujours vu comme ça aussi. Puis même avec Mirego, parce que c'est Mirego qui a conceptualisé tout ça, qui a fait finalement l'application. On se parlait souvent de ça. Je disais que faut pas oublier qu'il y a une âme à cette application-là. Tu sais, qu'il y a quelque chose exactement de très humain aussi, de très moment. Je vais la raconter, puis après ça, j'y reviendrai. Mais moi, c'est parti d'une affaire avec mes enfants. Ça. Moi, j'ai deux enfants, puis on a un iPad à la maison. Oui. Et mes enfants trippent vraiment sur iPad, iPhone, comme beaucoup d'enfants de leur génération. Ma fille a 5 ans, mon fils a 3 ans. Alexis, je veux dire, il y a pas longtemps, il avait 2 ans aussi, puis il jouait avec l'iPad, puis il comprenait. Puis tu parlais de YouTube. Moi, ça part de là. Toute cette idée-là part du fait que mes enfants, je leur avais montré comment mettre leur YouTube préféré dans les favoris. Okay. Je les checkais aussi de loin, je ne voulais pas qu'ils tombent sur n'importe quoi. Puis quand ça avait du bon sens, je disais, bon, ben tu pèses là-dessus. Puis à un moment donné, il y avait une banque de favoris. Puis là, ils écoutaient ça, mais ils pouvaient passer là, une heure tout seul dans un coin à regarder ça. Puis ils chantaient, ils dansaient. Il y a toutes sortes de niaiseries pour les enfants aussi sur YouTube. Il y a l'espèce de gros, moi, je donne toujours l'exemple du gros hippopotame, là. Qui se bouge les fesses puis qui fait du reggaeton. Je sais pas si tu as vu ça. Non. Il y a plein de niaiseries de même. On s'échangera nos adresses. Oui, c'est ça. Il y a toutes sortes d'affaires bien drôles. Les enfants trippent. Puis moi, mon gars, c'est un petit danseur. C'est qu'il danse comme un fou puis il trippait. Puis moi, je voulais garder ces moments-là. Tu sais, comme parent, c'est des moments précieux. Fait que là, j'allais chercher ma caméra vidéo. Puis là, je voulais le prendre. Puis tout de suite, il arrêtait. Un enfant, tu le sais, t'en as. Ouais, quand oui. Tu veux les photographier. Bonne chance pour des sourires normales, pas exagérés, puis tu sais, des vrais moments. Ils sont dans le présent, donc dès que tu essaies de le moindrement stager, si ouais. Tu veux, ça fonctionne pas. Faut que tu les prennes, comme l'application s'appelle, attrape-moment, donc exactement. C'est sur le moment. Puis moi, quand je voyais que ça marchait pas, puis honnêtement, je vais être honnête, ça me frustrait. Je me disais, je peux pas croire qu'un jour, on pourra pas regarder ça, tu sais, puis qu'on rira pas de ça. C'est des beaux souvenirs, puis c'est rare qu'on voit les gens à l'état naturel. Et c'est là que c'est important. Moi, c'est à ça que je réfléchissais pour l'application. Mm-hmm. Fait que je suis allé voir pour le fun dans le App Store. Puis là, je fouillais, j'essayais de trouver une application qui faisait ça. Je me disais, ça serait merveilleux que mes enfants puissent être filmés par la caméra frontale pendant qu'ils regardent une vidéo, pendant qu'ils rient, pendant qu'ils dansent, pendant qu'ils ont du fun, pendant qu'ils ont peur, pendant n'importe quoi, ouais. Tu sais, d'aller chercher quelque chose de naturel. Donc, je fouille sur mon téléphone, je vais voir sur le App Store, il n'y a rien. Je refouille encore, il n'y a rien. Pendant une semaine, je disais à ma blonde, j'ai dit, écoute bien, là, si ça n'a jamais été fait, je pense que je tiens de quoi de bon, là, ça se peut pas. Après ça, je suis allé fouiller sur Internet, partout, j'essayais de trouver des moments, je punchais sur vidéo, caméra frontale, regarde, il n'y a rien que j'ai pas fait. Puis à un moment donné, parce qu'il y a une autre idée aussi dont je peux pas vraiment parler, parce qu'on a fait une recherche de brevet avec ça puis tout ça, parce qu'au début, c'était pas supposé d'être une application, c'était autre chose. Puis pour me protéger puis tout ça, parce qu'on sait qu'en techno, on se fait voler toutes sortes d'idées, il y a pas vraiment, c'est difficile de protéger nos idées. Je me suis dit, bon, ben regarde, je vais sortir une application, parce qu'on s'est rendu compte qu'on était les seuls au monde et les premiers à faire ça. Fait qu'on s'est dit, bon, ben moi, je vais me protéger, je vais faire une application. Si quelqu'un arrive avec de quoi plus tard, mais je pourrais dire, ben regarde, là, pas toi le premier. Moi, j'ai fait une application telle année, puis ça existe depuis ce temps-là. Il y en a beaucoup des cas comme ça dans le App Store. Là. Je pense que quand on avait parlé, il y avait comme Angry, je sais pas quoi, là, Angry Chicken qui était comme Angry Birds, mais bon, qui avait volé. Puis Apple est reconnu pour aller chercher les idées comme ça qu'ils trouvent très bonnes et les inclure après ça dans le OS. Donc, toi, tu me disais que tu avais parlé un petit peu avec des avocats pour te protéger de ce côté-là. Si Apple, par exemple, voudrait le faire, ils vont être en quelque part, je ne sais pas en fait comment ça fonctionne, mais ben, ils risquent d'avoir à te le demander ou à t'acheter l'idée ou... Ça, c'est, j'ai fait tout ce que je pouvais pour protéger l'idée. Okay. Donc, je veux dire, mais en même temps, on ne peut pas se protéger à 100%, tu sais. Okay. Puis, on parle d'Apple. Moi, à date, en tout cas, j'ai communiqué avec des gens d'Apple déjà, là, parce que je suis assez fonceur, puis je veux l'amener loin, cette application-là, parce que ça n'existe pas, puis parce que je trippe, je veux qu'on la mette en valeur. Et les gens d'Apple la trouvent vraiment super cool, l'application. Oui, c'est une bonne idée. Oui, je pense pas qu'ils vont la voler. Je pense que vraiment, il y a de quoi, ils ont envie de m'aider, au contraire. Okay. Il y a de quoi de le fun là-dedans, mais en même temps, je pense que... En technologie, tu te protèges le plus possible. Parce qu'il y a sortir une application, mais il y a tout ça après. Tu sais, faut que tu te protèges, justement. Faut que tu aies des contrats aussi. Tu sais pas à qui tu as affaire. C'est la planète au complet. Fait que j'avais pas envie d'avoir 2000 poursuites, moi, là, puis faire faillite. Puis donc, on se protège. On a monté le projet. Je travaillais avec les comptables, avec tout le monde. Je voulais avoir quelque chose de bien fait, de crédible. Encore là, avec Mirigo, etc., qui est une gang, écoute, c'est une gang incroyable, là, vraiment. L'approche avec Mirigo, c'est fait comment? C'est quelqu'un que tu connaissais ou... Moi, je cherchais, en fait, j'ai commencé à regarder sur Internet, un peu partout, des sites au Québec, au Canada, aux États-Unis, essayer de trouver des gens qui allaient me faire la meilleure application. Puis, j'en connaissais pas un million, donc je me suis informé un peu, tout ça. Puis, à un moment donné, je suis tombé là-dessus, Mirigo, je commence à regarder ça, je vois que c'est eux qui font la presse. Cyberpresse, l'application, qui faisait des affaires bien le fun. Il avait travaillé pour Red Bull, il avait fait des trucs avec, c'était-tu les packs ou en tout cas, bref, il y en avait plein. Ouais. Je trouvais ça le fun. Puis en plus, mon avocat les connaissait, puis il disait, okay. Ils ont vraiment une bonne réputation, tu devrais les rencontrer. Puis quand je leur ai parlé du projet, puis je l'ai rencontré avec la gang, il y avait Martin Gagnon qui était là et Albert. Puis, en partant, je les ai trouvés vraiment sharp, vraiment jeunes. Ouais. Je trouvais ça le fun, leur vision qu'il y avait de la patente, qui était très respectueux aussi de la vision que j'avais. Il y avait de quoi, quand on parlait de l'âme, on en a parlé beaucoup cette fois-là, je leur disais, c'est ça qui est important là-dedans. C'est pas juste de vendre un gadget, une cochonnerie ou une niaiserie. Ce qu'on veut donner aux gens, c'est la chance d'aller chercher une réaction spontanée, une réaction importante parce que c'est fait pour les enfants, cette affaire-là, à la base, tu sais. Oui. Donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler ça. Il faut que ça soit simple, faut que ça soit sharp, que ça soit slick, que ça soit facile à opérer, tu sais. Voilà. C'était, donc la première des deux parties de l'entrevue avec Patrick Groulx. Et puis, on va diffuser tout de suite la... On a notre plutôt aujourd'hui en fait là, parce que bon il était occupé. J'ai parlé à notre chef résident spécialiste critique des applications d'humoristes qui se lancent en développement. J'ai nommé Monsieur Stéphane Fallu qui a pris l'application et nous a fait une critique. Donc on l'écoute à l'instant. Bonjour, ici Stéphane Fallu. Oui, Stéphane Fallu. Très content aujourd'hui d'être un spécialiste informatique sur le web afin de vous parler d'une application que j'ai installée sur mon téléphone, mon iPhone 4S. Mon ami, mon camarade, celui qui m'accompagne dans toutes les occasions, l'application qui s'appelle Attrape-Moment. Attrape-Moment, vous en avez sûrement entendu parler. C'est de mon copain, mon camarade Patrick Groulx. En veux-tu une froide? Eh bien oui, c'est ça, il y a un nouveau site qu'il a créé avec des amis, je crois, ou bien tout seul, je sais pas, qui capte des moments de ton petit poupon. Alors, pis c'est vrai que c'est un problème. Souvent, moi, quand je veux filmer mon petit gars, souvent, qu'est-ce qu'il fait? Ben, sa réaction, c'est de « Ah! » Puis il veut le mettre dans sa bouche. Alors, avec ça, ben, je peux faire jouer un vidéo. Comme moi, ce que j'ai fait jouer à mon petit garçon, c'était une comptine. Il y a beaucoup les comptines. C'est « Une souris verte qui courait dans l'herbe. » Puis là, lui, il a regardé ça avec ses grands yeux. Et après, j'ai regardé. Et là, t'entends un peu ses réactions. Il parle pas beaucoup. Puis avec les grands yeux ouverts, de se voir. Puis il entend la chanson derrière. Puis il entend ses commentaires. Moi, j'ai trouvé ça génial. Puis ce qui va être encore plus génial, je crois, c'est lorsque je vais faire jouer des vidéos à des amis. J'essaie d'attraper plein d'amis en faisant jouer des vidéos super mauvais, puis de voir leur face et leur réaction. Puis après ça, mettre ça sur le web, puis pouvoir rire d'eux. Alors, 99 sous, moi, je suis pas un crack d'informatique, même si je fais semblant que je le suis. Et super facile à installer, super facile à trouver. Beaucoup de cœur, moi, je donne 5 étoiles. on va dire 5 robots, vu que c'est l'informatique, ou 5 pixels. Et puis c'est ça. Alors bravo à Patrick Groulx. J'aimerais ça avoir cette idée-là pour de vrai, mais Patrick Groulx, il y a de tes idées. Patrick Groulx. Et voilà. Alors sur ça, ben, je vous souhaite longue vie. Amusez-vous avec ce site. Même si vous n'avez pas d'enfant, ben, à la limite, prenez-en un dans la rue. Bon, peut-être pas meilleur des siècles. Et ben, bravo à tout le monde d'écouter cette émission-là. Et je suis très content d'avoir participé avec vous. Et sur ce, ben, moi, je retourne dans mon hibernation, la barbe, l'écriture. Et c'est l'hiver. Alors, on se revoit au printemps. OK, bye. Hey. Oh, j'ai adoré être un spécialiste. Stéphane m'a mentionné qu'il avait vu son ombre, donc on en a encore très longtemps pour, pour l'hiver, malheureusement. Stéphane, qui est en écriture de son prochain spectacle, on le remercie beaucoup d'être sorti de son hibernation, comme il l'a dit, pour faire la critique de cette application-là. Donc, on va passer la deuxième partie de l'entrevue tout de suite après, dans les amateurs de Mac, bonsoir. On va faire un switch. On n'en fait pas souvent des switches, là, mais est-ce qu'on a notre ami I'm Reload online? Oui, absolument, je suis là. Oh, excellent. On dirait qu'il vient d'une base éloignée en Sibérie. Au pôle Nord ou en Sibérie, là, une espèce de bunker pour pas que Apple le retrouve. Donc, bien content de t'avoir avec nous, I'm Reload. On l'a évidemment, on ne peut pas divulguer son identité secrète, donc évidemment, on ne le mettra pas en vidéo. On t'a invité. Un justicier masqué. Voilà. Et on t'a invité cette semaine pour nous parler. Bon, on s'est vu il y a quoi, 2-3 mois à peu près? Oui, environ deux mois, peut-être 3, oui. Peut-être 3 mois. Pour, on a parlé un petit peu du jailbreak à ce moment-là. Là, il y a certaines choses qui se passent du côté de cette scène-là. Puis on trouvait important et intéressant de te faire venir par rapport à ça. Donc, tu nous rappelles un petit peu, tu fais partie d'un crew, tu fais partie d'un team qui est le... La Pwn Dev Team, donc PWN Development Team, dans le fond, là, si on veut. OK. Et dernièrement, la Pwn Dev Team a sorti une nouvelle application. Absolument. C'est un outil de jailbreak qui s'appelle Acid Snow. OK. Et qu'est-ce que votre outil, en fait, fait deux choses en une ou fait quelque chose qui n'a jamais été fait avant? Tu nous expliques un peu? Oui, absolument. En ce moment, on est intégré dans l'outil ce qu'on appelle le jailbreak remote, donc ce qui veut dire à distance. Oh. Donc, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Supposons que vous avez un ami qui est pas nécessairement, qui n'a pas nécessairement toutes les connaissances pour jailbreaker son appareil, mais voudrait en profiter. Donc, vous pouvez jailbreaker son appareil à distance pour lui. Sérieux? Wow! Oui, absolument. Okay. J'avais pas lu comme ça. C'est vraiment cool. Ah oui, c'est le fun. Wow! Tu peux-tu faire un botnet avec ça après? Tu prends ton bottin téléphonique puis tu jailbreak tout le monde, tu sais. Ça serait comme Batman, en fait. Batman, un botnet votre... d'Apple TV, ça doit être spécial. C'est ton application que Batman a utilisée dans le dernier Batman pour prendre contrôle de tous les téléphones cellulaires puis trouver le Joker. Si seulement. Ouais, voilà. Donc, ça, c'est pour la Pwn Dev Team. Et, oui. On sait qu'il y a eu des petites problématiques. En fait, le iPhone 4S est sorti. La puce qu'il y a à l'intérieur, c'est la puce A5. Apple y a rajouté directement dans la puce que tu m'expliquais des sécurités. Exactement. Entre autres, le sandbox. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité dernièrement par rapport à ça, c'est tout simplement une sécurité qui fait que l'injection de code non signé, si on veut, donc le code que nous, on crée pour jailbreaker l'appareil, c'est pratiquement impossible. Vous connaissez la faille ou l'exploit qui a toujours été utilisé depuis le début du jailbreak qui s'appelle LimeRain. Okay. Donc, c'est un injecteur de code, finalement, qui permettait d'aller placer un certain code dans la partition de l'iOS en tant que tel. Malheureusement, depuis la puce A5, ça ne fonctionne plus. Donc, tout simplement, il fallait recommencer de zéro pour trouver un nouvel exploit pour injecter du code. OK. Dans la scène de Jailbreak, au cours des années, là, ça fait 4 ans, 5 ans que ça existe à peu près, la scène Jailbreak, il y a quand même eu des espèces de coder hero, des vraiment top au niveau du hacking. Je pense à Geo Hutt, je pense à Rika Sandoon, je pense à POSIX, à d'autres. Dernièrement, en fait, je pense qu'ils se sont mis ensemble, ils ont fait comme ils ont fait une espèce de Avengers Assemble ou quelque chose comme ça. Ouais, ben ils se sont eux-mêmes nommés la Dream Team, en fait. Donc Captain America. Voilà. Donc c'est ça, ils ont joint un peu leurs forces ensemble pour pouvoir justement là, contrer le fameux problème de la sandbox là, sur la puce A5. Mais ça c'est tout nouveau là. Aujourd'hui, ils sont sortis de la sandbox. Oui, absolument. Ils ont réussi à sortir de la sandbox. Par contre, il y a encore une grosse partie du travail à faire. OK. Puis, ces gens-là étaient séparés dans différents teams. Est-ce qu'au départ, c'est des gens qui travaillaient ensemble puis qui se sont séparés à cause d'une vision différente ou ils ont tous commencé à faire leur petite équipe, chacun de leur bord? Tu m'expliquais qu'il y avait quand même une saine compétition. Là. Ils ne s'agissaient pas à vouloir se tuer, mais ils étaient quand même chacun dans leurs équipes, je pense. C'est ça. C'était des gens, donc POSIX Ninja, comme tu l'as nommé, fait partie de la Chronic Dev Team, qui, entre autres, ont lancé, là, il y a quelques années, Green Poison, qui est un autre outil Jailbreak. Ensuite de ça, il y a Pod2G, qui est vraiment Pod2G, si on veut, qui est vraiment l'acteur principal en ce moment du Jailbreak. OK. C'est lui qu'on remercie. C'est ça. Lui a toujours fait cavalier seul. Il a toujours été seul, n'a jamais été dans aucune équipe, mais il est vraiment très sympathique et partage ses exploits avec grand bonheur. Avec nous, d'ailleurs, entre autres. Il est français? Oui, il est France. J'ai d'apprendre ça. il y a quelqu'un qui l'a dit dans le chat. Oui, il est français. Mais j'ai une question pour toi, Reload. Est-ce que vous allez implémenter Corona bientôt dans votre application? Absolument. Si vous avez suivi un petit peu mes tweets récemment, j'ai eu une conversation personnellement avec Pod2G, Pod2G cette semaine par email et oui, il m'a confirmé que il nous passait, si on veut, l'exploit pour les devices à puce A4 et dès que la puce A5 sera le jailbreak sera terminé, il nous passera aussi l'exploit et le code. Donc, parce que lui, en fait, n'a aucun outil jailbreak. Il n'est dans aucune équipe. Donc, lui, il trouve des exploits et distribue et aide la communauté, tout simplement. Corona, c'est quoi? C'est une bière avec une petite lime dedans? C'est... ouais, non, c'est ça. Corona, en fait, c'est un acronyme pour Raccoon, R-A-C-O-O-N, qui est, dans le fond, le type d'exploit qui a été utilisé. Donc, c'est un exploit qu'on appelle Raccoon. C'est très technique, okay. Mais les lettres ont juste été interchangées. Okay. Et c'est ça. Corona a été le nom, dans le fond, du jailbreak qui a été lancé dernièrement pour le 5.0.1. Et puis, il y a Old El Paso, là, c'est pas Sopa Paso. Pas la même chose. N'importe quoi, là. Bernard, il est là, il nous écoute entre moi et JF. Il fait, faut que j'intervienne. À un moment donné, je te lâche une joke. Puis... il est dessus. La dernière fois qu'on s'était parlé, I'm Reload, tu avais l'air. En tout cas, il y avait comme des nuages gris au-dessus de la scène, justement à cause de ces sécurités-là. Là, c'est pas mal mieux. Est-ce que Apple fait montre de depuis que Steve est plus là, est-ce qu'on a l'impression que c'est plus ouvert pour le jailbreak? C'est quoi ton sentiment par rapport à ça? Ben, en fait, il n'y a pas eu d'énormes changements depuis que Steve n'est plus. Par contre, ce qu'on a pu remarquer, c'est que Apple ont l'air de nous tendre des pièges ou des Easter eggs, comme on peut appeler en anglais, des œufs de Pâques. Ils nous font miroiter des choses, comme par exemple dans les bêtas du iOS 5.1. Dernièrement, ils ont relancé deux bêtas avec le code qui était décrypté. Donc, si on veut, on n'a qu'à ouvrir le logiciel le système d'exploitation iOS sur son Mac et on peut carrément, là, tu peux voir tous les frameworks et tout le travail. Normalement, c'est encrypté. Ça, c'est pourquoi ça a été fait comme ça, c'est une bonne question. La dernière bêta du 5.1 a été cryptée. Moi, je le sais. C'est back and forth. Ils jouent avec nous. Il y a un gars qui, un traître qui est passé du côté sombre de la force, qui était un jailbreaker avant et qui était engagé par Apple. Comex, oui. Ouais, voilà. Puis il s'est trompé. J'ai oublié de la crypter. Tu sais, avant de la releaser. C'est très possible. Ben, en fait, ce que ça leur a permis, dernièrement, il y a eu un. Je sais pas si vous avez vu, il y a eu vraiment un port de Siri pour les iPhone 4 qui a été lancé par un développeur. Ouais. Et c'est justement, ça a été possible grâce à ça. Okay. Le iOS bêta n'était pas crypté, donc ce n'était pas illégal de prendre une partie de ce code et de le sortir de là pour l'utiliser à X, Y, Z façon. Ah, OK. Puis, mais d'après ce que j'ai compris au niveau de ce port-là, tu as besoin d'un code qui provient d'un 4S si tu veux le faire fonctionner. Et au bout de deux appareils autres que ton 4S, duquel proviendrait le code, ça risque d'être barré, ça ne peut pas fonctionner. Absolument. Et en plus de ça, une fois que Siri est installée sur ton appareil, tu dois configurer ou quelqu'un doit configurer un proxy qu'on appelle. Donc, parce que le Siri ne se connectera jamais au serveur d'Apple. Ça, c'est illégal, carrément. OK. C'est complètement illégal. C'est impossible de renverser ça. C'est une chose qui est illégale. Donc, il faut, à ce moment-là, construire un proxy sur une machine, laisser la machine ouverte 24 heures sur 24, avoir un iPhone 4S sous la main. C'est quand même très complexe, honnêtement. C'est vraiment pas user-friendly. C'est pas recommandé à monsieur et madame tout le monde de faire quelque chose comme ça. C'est complexe pour demander à Météo pour Montréal. c'est dangereux. Oui, puis à part de demander à Météo, à Siri, qu'est-ce qu'on lui demande? Pas grand-chose. Moi, honnêtement, Siri, depuis que j'ai acheté mon 4S, il est tourné, il est fermé. Je ne l'utilise jamais. Okay. J'aime pas ça. Parler à haute à mon appareil, j'aime pas ça. Que Apple enregistre tout. J'essaye souvent de m'en servir. Cette semaine, j'ai commencé beaucoup plus à me servir de FaceTime. J'ai FaceTime qui est une des fonctionnalités. Ah ouais? Là, c'est vieux, là, ça date du 4S. Puis cette semaine, j'ai commencé parce que ma tendre maman a un nouvel ordinateur, un nouveau iMac tout frais, un 21 pouces, et il y a la caméra dedans. Donc, à partir de la maison, je lui téléphone. J'ai une amie aussi qui a son iPhone 4S, une amie avec qui j'ai repris contact récemment. Puis au lieu de se parler par téléphone, bêtement, on a fait un FaceTime. Puis on a enlevé nos vêtements. Non, non. trop d'informations. Non, mais elle n'avait pas vu mes enfants. Donc, j'ai pu y montrer mes enfants. On était à l'heure du souper. Et puis, je lui ai montré mes enfants sur FaceTime. Puis, je trouvais ça vraiment trippant. Je pensais que tu allais dire à l'heure du bain. Ouais, c'est sur Hangout. Puis, je fais payer vraiment cher. Là. C'est ça. Non, mais FaceTime, là, pour le faire fonctionner, ça fonctionne juste sur le Wi-Fi. Hein? Oui. Fait que ce que tu fais, tu prends ton iPhone, tu le fais en mode tethering. Puis tu le fais avec ton iPad 2 quand tu as un iPad 2. Oui, tu le branches sur ton. Tu le branches en modem, là. Ouais. Tu branches ton iPad dessus. Là, tu es en Wi-Fi, fait que ton FaceTime de ton iPad est censé fonctionner. Oui, aussi, il y a dans le Cydia Store, du côté Jailbreak, il y a des applications qui permettent de truquer ton iPhone pour qu'il pense qu'il est sur le Wi-Fi pendant qu'il est sur la 3G. Exact. Mm-hmm. Mais on a un 4S, fait que on attend vaillamment que vous nous sortiez le truc. On a vraiment confiance. On a très hâte de voir ça arriver pour ce qui est du jailbreak. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour vous de votre côté? Bon, vous attendez d'intégrer Corona à votre code. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez tenter, essayer? Actuellement, notre outil fonctionne seulement sur Mac. Donc, on travaille sur deux tableaux là en parallèle et ajouter dans le fond le jailbreak remote plus ajouter la version Windows. Donc on est très très occupé de ce temps-là, mais c'est notre projet central, c'est finir là notre outil jailbreak et pour Windows et pour Mac avec toutes les options là qu'on a voulu y implanter. Puis du côté Apple TV, on a lu cette semaine qu'il y avait une équipe qui travaillait pour faire rouler les applications, les apps sur le Apple TV. Est-ce que toi, tu as plus de détails à nous donner là-dessus? Ben en fait, c'est un hacker américain, si je me rappelle bien, Steve Smith, si je me trompe pas. Exact. C'est ça. Lui a réussi à faire rouler des applications carrément natives, là, comme Facebook, sur son Apple TV. Carrément. Parce que le Apple TV, en d'autres termes, une fois qu'il était jailbreaké, il donnait certaines possibilités additionnelles, mais c'était très, très limité quand même. Mm-hmm. Oui, le développement est plus lent sur cette plateforme-là. Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de gens impliqués? Est-ce que oui, absolument. Puis est-ce que c'est peut-être parce qu'il y a moins de fame à aller chercher ou tu sais de défis ou de fame, là, je sais pas. Je crois pas, honnêtement. C'est plus l'iPhone et l'iPad ou encore l'iPod, c'est des objets que tu utilises couramment tous les jours, toutes les minutes, ça tient dans ta poche, ça va avec toi partout. Tandis que le Apple Télé, bon, ben il est sur ton meuble télé et tu l'ouvres une fois de temps en temps pour écouter Netflix et ça se résume pas mal à ça. Les possibilités à venir jusqu'à maintenant étaient quand même très réduites. C'est pas comme un iPhone, par exemple, que tu peux pratiquement décupler ou multiplier par 10 les possibilités en jailbreakant. Oui, mais en jailbreakant, en jailbreakant ton Apple TV, tu as quand même accès à XBMC, Plex, d'avoir un Media Player pour jouer des films AVI, MKV, etc. Ça devient intéressant. Tu as un disque dur en réseau, puis bingo. Tu l'ouvres en fait au niveau des autres appareils Smart TV qui sont vendus, qui n'ont pas l'écosystème Apple, mais qui, eux, ont décidé de prendre la route de faire jouer ce type de fichier-là qui est, pour être honnête, quand même associé au fait du téléchargement illégal, tu sais. En grosse partie. Fait que je trouve que c'est un petit peu hypocrite, moi, de la part des autres compagnies, de faire, ben nous autres, tu sais, check, j'ai un appareil, puis il lit tout. Ils font juste dire, tu sais, il lit tout, puis là... C'est tout. Tu peux tout lire avec. Bye, je te vends pas de film. Les photos, je te stream pas ça. Mon téléphone, il envoie pas les données sur ton appareil, mais tu peux tout lire. Ciao, bye, fais ce que tu veux avec. C'est un petit peu hypocrite quand même comme façon de présenter le truc. Je sais pas ce que vous en pensez, là, mais... Ben oui, c'est vrai. Google TV s'en vient quasiment dans toutes les TV. Ouais, Samsung, LG, tout ça, là. Donc, de toute façon, j'ai un beau-frère qui a une télé Samsung là, nouvelle, puis il voulait que je l'aide à configurer son Smart TV, puis il m'a dit que c'est loin d'être smart. Vraiment, là. C'est, écoute, idiot à programmer, là, c'est super tough. En plus, il y avait des links comme routeur, fait que là, ça droppait en plus, là, les connexions. Mais écoute, là, lettre par lettre, là... tu pèses trois fois c'est un piton pour avoir... Écoute, là, c'était l'enfer. Puis ça marchait pas, ça plantait. Puis il n'y a pas d'application là-dessus, il n'y a rien. Je dis, c'est une plateforme, une coquille vide. C'est dangereux en plus parce qu'ils prennent un modèle... tu sais, les apps et tout ça, c'est un modèle sur lequel, bon, il y a un écosystème, que ce soit sur iOS ou même sur Android, là, tu sais, il y a de la distribution de contenu, il y a de la distribution d'applications, tout le kit. Puis, ils l'appliquent à un appareil, tu sais, bon, il y a une couple d'années, il n'y a personne là, qui aurait pu dire, le monde, ils vont faire la file devant des Apple Store pour acheter des bebelles à 500$ une fois par année, tu sais, ni des téléphones à 800$ une fois par année. Là, s'ils le mettent dans une TV, là, c'est 1600 tomates. À chaque fois qu'ils décident de faire des petits changements dedans, c'est gros. Moi, j'étais là, écoute, j'ai une Sharp que j'ai achetée l'année passée. Puis, j'ai posé la question aujourd'hui sur Twitter à Frank the Tank pour voir s'il était peut-être passé à travers une nouvelle. Puis, vous me direz si vous avez peut-être vu ça, mais y a-tu moyen de scraper la cochonnerie de logiciel de merde qu'il y a dans ces télévisions-là, puis d'y connecter quelque chose en quelque part, tu sais, je sais pas, le bon vieux port ARS-232 ou, tu sais, le port série ou je sais pas quoi, là, tu sais, puis aller y greffer quelque chose qui va vraiment la rendre... Y greffer un cerveau, puis juste l'utiliser... comme un écran, tu sais. Mais tu veux, en fait, tu veux changer son firmware. Oui, ben quelque chose changer comme le firmware. Ça. T'sais. Mais tu peux faire la mise à jour du firmware, mais tu te connectes directement au serveur là, de central de cette application-là, dans ouais, le fond. Mais Sharp ne me dira pas, « Ah, tu veux-tu changer notre firmware par le nouveau firmware Apple TV? » Non, ça marche. Non, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Quoi, quoi ouais. que ça pourrait être une bonne avenue pour Apple de faire le produit, de le transformer en licence. Puis là, les compagnies, mais c'est Google qui va le faire avec Android. D'ailleurs, on a vu des télés Android sortir cette semaine, non? Mm-hmm. Oui, au CES, on a même vu une télé faite par RIM, ceux qui font BlackBerry. Donc, Non, c'est comme... Oui, l'écran RIM... Ça te prend ton BlackBerry pour la faire fonctionner aussi. Ouais, c'est ça. Sinon, elle va pas sur Internet, sinon. Il n'y a pas de courriel non plus dans la TV. Non, c'est ça. C'est vraiment de la merde. Parlant des compagnies qui mettent des produits de merde puis des TV pseudo-intelligentes, il y a. En fait, il y a. Tu sais, les produits du CES sont annoncés, puis là, ils annonçaient comment ça s'appelle, des frigidaires LG qui te donnent des recettes. Ça fait 10 ans que le concept, le proof of concept du frigidaire LG intelligent, il existe, tu sais. Il y a 10 ans, j'étais dans une rencontre des fabricants ou whatever. Je parlais avec un gars, puis je disais, hey, « ouais, on va avoir un frigidaire qu'on va scanner le code-barre de notre... De notre pain de lait. Puis il va nous dire, est pourri ou tu sais, bois-la vite ou scanne les 3 affaires qui restent dans ton frigidaire, puis je vais te donner 2-3 recettes que tu peux faire avec. Puis là, le monde, tu sais, ça a commencé à spinner. Ils ont parlé d'une laveuse, d'une sécheuse intelligente. Puis là, la laveuse et la sécheuse, il y avait des features, là, tu étais comme, je m'en calisse, là, tu sais. Plie le linge. Arrange tout pour qu'il n'y ait pas de statique dedans, trouve les deuxièmes bas, tu sais, fais quelque chose de vrai, là, tu sais. Aide l'humanité, là, tu sais. Tu sais, moi, j'attends toujours un frigidaire intelligent qui fait la bouffe. Ouais, ben voilà, that's it. C'est ça que je veux. On s'en fout que ton lait va passer, là. Moi, je veux qu'il fasse la bouffe, là. Ouais, comme dans Star Trek. Je veux telle affaire, un gros steak au poivre, 3 fois par jour. Moi, je serais content. Exactement. Voilà. Malheureusement, messieurs, encore une fois, on arrive au terme. On n'aura pas le temps de parler du jailbreak de Apple TV comme on aimerait en parler. Encore une autre fois. on est vraiment désolé. Il y a beaucoup de monde qui nous le demande. On a presque parlé tantôt. Presque. Ouais, presque un peu. T'as essayé, mais j'ai réussi à te ramener. Là. Bon. Puis, il y a aussi I'm Reload qui est plus spécialisé, en fait, pour les iPhones, tout ça. Donc, il était moins à l'aise de parler avec nous de Apple TV. Pour lui, ce n'est qu'un hobby. Lui, il travaille sérieusement. Oui, c'est ça. Nous autres qui s'amusent avec ça, les Apple TV. Voilà. D'ailleurs, shame on me, je n'ai pas encore mis le mien à iOS 5.01. Ben là, le jailbreak Untethered, il est sorti. Ouais, mais c'est de la vieille nouvelle, c'est de la semaine passée. Comment? C'est de la vieille nouvelle, c'est de la semaine passée, ça, je pense. Ah oui, je sais, mais je veux dire, c'est le temps que tu l'installes. Ah oui, là, tu peux mettre Plex en bêta, bêta 4. Ah, OK. Il roule dessus. XBMC, c'est la version Eden, la nouvelle version en bêta. Tu sais quoi? Moi, XBMC sur mon Apple TV, je suis incapable, j'ai probablement pas configuré quelque chose en quelque part, c'est-à-dire probablement l'accès au disque. Puis il y a tellement de choix, le UPnP, DLNA, SMB, AFP. J'avoue que je suis un petit peu fourré. On en reparlera. Oui, on en reparle. Ben, c'est parce qu'en fait, c'est un build qui est fait pour des ordinateurs, puis des fois, tu... Il y a trop d'options qui sont pas faites. C'est des options qui sont faites pour les ordinateurs. T'sais. OK. Puis, tu sais, trouver dans mon local, volume local, telle affaire, ça marche pas. Là. Il y a des affaires qui ne fonctionneront pas. Là. On va terminer le show, messieurs, histoire de pouvoir se retourner, boire une gorgée d'eau, aller à la pause pipi pour les amateurs de Mac Bonsoir qui vont nous suivre. On aimerait remercier la Toy Company qui nous a fourni le jingle de Mac Québec, que je trouve excellent. Je mets ça pour m'endormir et me réveiller le matin, et ça joue dans mon auto tout le temps. Ensuite de ça, j'aimerais remercier Patrick Groux qui nous a fait la gentillesse de venir nous parler de son application, et M. Stéphane Fallu qui est en écriture de spectacle et qui est venu, qui est sorti de son ermitage pour venir nous parler de l'application Attrape Moment de Patrick Groux qui est disponible à 99 sous sur le Apple Store. Et je remercie évidemment notre collaborateur I'm Reload qui tient le fort. C'est comme dans Games of Thrones, là, ceux qui sont au mur, qui sacrifient leur vie à les protéger dans Games of Thrones, mais dans notre cas à nous, c'est à débloquer à jailbreaker nos téléphones. Donc, on le remercie grandement et d'être venu nous expliquer tout ça en ligne. On se revoit au prochain développement là-dessus. Puis, on peut s'attendre à combien de temps pour le jailbreak iPad 2 à iPhone 4S? Honnêtement, je dirais ça peut être quelques jours comme quelques semaines. Par contre, les progrès qui ont été faits dernièrement indiquent que ça sera quand même dans un délai raisonnable. On peut dire, je peux pas donner de date en tant que tel. Je ne vais pas induire personne en erreur, mais soyez patients, ça s'en vient très bientôt. C'est ça, parce qu'il faut quand même qu'ils fassent des tests dessus. Là. C'est bien beau qu'ils l'aient trouvé, mais il faut qu'ils fassent des tests. Là. Fait qu'ils peuvent pas shooter ça de même, puis ah non, que le téléphone plante ou l'iPad 2 qui plante. Là. Que, exactement. On peut pas vous garantir de date, mais on peut vous assurer que ça va sortir. Ah, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est sûr, sûr, sûr. Voilà. Ben c'est ce qui met fin à notre émission. Je vous remercie, messieurs, d'avoir été là encore une fois avec moi cette semaine. Bernard, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les intertubes? On peut me retrouver principalement sur Twitter, @cybernard, comme on peut le voir en dessous de l'image pour ceux qui regardent le podcast. Pour ceux qui écoutent, ben c'est @cybernard. Et Google+, également. Oh, Google+. Hey, petite parenthèse avant la fin de l'émission, t'es-tu sur PAF? Non. Non? Non, okay. Ah, vas-y. C'est chouette, Pat, ça fonctionne bien. Les gens qui j'ai posé la question, ils m'ont dit c'est ce que Google Plus aurait dû être. Pat devrait être acheté par Google Plus, puis il devrait mettre l'application. C'est vraiment super à utiliser. Tu mettre l'adresse? C'est sur le App Store. C'est sur l'App Store, P-A-T-H. P-A-T-H. P-A-T-H, oui. C'est le Smart Journal, c'est ça? Oui. Ils appellent ça le Smart Journal? Oui, je pense que c'est ça. C'est un petit cône rouge. Très, très beau, ouais, utilisé okay. Avec un P. JF, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les intertubes ou ailleurs? On peut me retrouver sur Twitter aussi, à JFRoy1979 et sur Google+. Puis c'est ça en gros, là. Pour ma part, on peut me retrouver beaucoup trop dernièrement sur Twitter. J'étais là les trois derniers jours. Là, j'ai été là comme en permanence, j'ai l'impression. Quelques tweet fights aussi. Oui, hein, ça a fêté pas fort. Ça a fêté fort hier soir, je trouve, avec Seth Keller. Là. Qu'est-ce que je faisais? C'était quoi la fête? Attends, là, je me souviens plus. Là, il en reparlait encore un matin. Vous en reparliez un matin, là. C'était-tu l'énigme que j'ai lancée à propos de la fête? Oui, c'est ça, c'est l'énigme. Oui, OK. Mais c'était pas un fight, là. C'était juste... Non, c'est quelqu'un, Karine, quelque chose, qui a lancé une énigme, puis j'y ai sorti la pire cochonnerie que je connais en termes d'énigme. Tu sais, c'est le Dirty Harry des énigmes, là. C'est complètement ridicule. Okay. Si on a le temps, à un moment donné, je vous la ferai. Peut-être, d'ailleurs, aux amateurs de Mac Bonsoir qui suit à l'instant. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir. À la semaine prochaine. Au revoir.